Le 24, les membres de la direction du mouvement pour l'unification de notre nation de Corée du Sud ont commencé à l'occasion des 6 ans de l'institution de la mesure du 24 mai, la manifestation individuelle en exigeant son retrait dans plus de 40 endroits, notamment la porte Kwanghwa, le siège du gouvernement, le siège parlementaire à Séoul, ainsi qu'à Busan, Daejeon, Ulsan, provinces du Gyeongsang du Nord et du Sud. Les manifestants ont déclaré que le développement économique et la paix dans la péninsule coréenne présupposent seulement la coopération intercoréenne et réclamaient au gouvernement de retirer la politique de confrontation pour engager le dialogue avec le Nord.